vous dites de la bile. De mutants mangeurs de foie gras. Un jour, Scully en a coincé un dans un escalier mécanique. Il est mort, mais il avait tout. Ce n'est pas un mutant mangeur de foie gras, Jean Rison. Ou bien une mule laissée par un extraterrestre. Un rapport de l'agent Mulder a expliqué que sur leur passage, on trouvait des traces de muqueuse chaque fois qu'ils... Tant pis, je chercherai autre chose. Je prends un échantillon. Je l'enverrai au labo pour qu'il compare. Très bonne idée, Jean Rison.